Chapitre deuxième. Ce fut dans ces heureuses dispositions d'esprit que le capitaine Saint-Jean s'embarqua un beau jour à Plymouth et se résigna à passer en pleine mer les 3 ou 4 mois nécessaires pour se rendre à Melbourne en navire à voile. Pour quelques-uns, la contemplation forcée de ces deux infinis, la mer et le ciel, a je ne sais quoi de désespérant. Chez d'autres, l'instinct de l'artiste domine la sensation attristante inspirée par la vue de l'océan. Ce fut le cas de notre capitaine. L'aspect de la mer, ses livres, sa miniature, furent son refuge contre les ennuis de la vie de bord. Il quitta à regret les vagues et les étoiles, mais il n'était pas fâché d'arriver à Melbourne. Il s'était mis en route au mois d'août. Il atteignit aux antipodes au commencement de l'été de ces nouvelles régions. Il se trouva dans une grande ville aux rues larges et aux bâtiments sombres. Le vent brûlant du nord chassait des tourbillons de poussière. Les hommes se promenaient habillés de blanc, portant des ombrelles à la main. Arthur descendit à l'un des premiers hôtels de Collins Street et fut tout émerveillé de voir que la table d'hôte était servie comme à Paris et qu'il y avait représentation à l'opéra italien le même soir. Il assista à un interminable défilé de voitures, de buggies, de victoria, de phaétons, d'omnibus, de wagons et de charrettes. C'était une journée de course. Tout le monde revenait et se réjouissait sans distinction de rang. Les points de départ, pour chacun, se dit-il, ne sont pas ici aussi inégaux qu'en Europe. C'est la valeur personnelle, et non la valeur héréditaire, qui doit assurer à l'homme son sort dans le nouveau monde. Pourtant, il soupira et fit appeler un hansom pour le conduire dans les environs. Il fut étonné de l'extérieur magnifique des demeures. Cependant, les parcs, remplis de grands eucalyptus noirs, maigrement revêtus de quelques feuilles sèches et pointues, l'herbe jaunâtre et les grimes mesquines, ne lui souriaient guère. Il s'arrêta sur une hauteur qui dominait la baie. Il apprit de son cocher que le monde politique de Melbourne était en désarroi, qu'il y avait rupture entre les chambres, que le peuple se plaignait de ce que les grands propriétaires avaient volé le sol du pays, que l'Église et les libéraux se disputaient à outrance la garde de la jeunesse australienne. Et il revint à son hôtel tout soucieux. Il alla trouver le lendemain un vieux camarade d'armes, Saint-Clair, qui depuis quelques années avait quitté son régiment pour se faire squatter. Celui-ci lui fit un accueil tout australien, c'est-à-dire qu'il l'engagea à venir passer le reste de sa vie sur ses terres. Mais Arthur se récria. Il ne comptait pas faire l'oisif, c'était pour échapper à l'inaction qu'il avait pris la résolution de s'expatrier. Toutefois, il ne refusa pas de laisser inscrire son nom parmi ceux des membres honoraires du club de Melbourne qui n'admet dans ses salons que l'aristocratie du monde colonial. Il s'intéressait à entendre discuter la question politique au point de vue des squatteurs, qui était tout autre de celui de son conducteur de hansom, et il ne s'ennuyait pas trop, même quand le résultat de la tonte annuelle ou de « des cireclips » était le sujet qui agitait les esprits. S'il gardait toujours au fond de son cœur l'image de deux yeux enfantins qui avaient dû refléter dans leurs prunelles ces rues sablonneuses, ces arbres noirs, je n'en sais rien. Il ne se donnait pas trop la peine d'examiner de près les visages des jeunes misses, qui sont fort jolies à Melbourne, mais il suivit maintes fois des yeux la forme un peu alourdie d'une dame qui ne ressemblait pas plus à son portrait qu'une poule ne ressemble à un oiseau-mouche.